Prélude et hommage à la fête disco à mort. Prelude and tribute to the disco party, eh Beth? Prélude et hommage à la fête disco à mort. Prélude et hommage à la fête disco à mort. Prelude and tribute to the disco party, eh Beth? Prelude and tribute to the disco party, eh Beth? Prelude and tribute to the disco party to death.